Cependant, la porte s'ouvrait à chaque minute, les garçons glapissaient, et, sur un infernal piano, dans le cabinet à côté, quelqu'un tapait une valse. Puis, les courses amenèrent à parler d'équitation et des deux systèmes rivaux. Sizi défendait Baucher, Frédéric, le comte d'Or, quand Rosanette haussa les épaules. « Assez, mon Dieu, il s'y connaît mieux que toi, va !» Elle mordit dans une grenade, le coude posé sur la table. Les bougies du candélabre devant elle tremblaient au vent. Cette lumière blanche pénétrait sa peau de ton nacré, mettait du rose à ses paupières, faisait briller les globes de ses yeux. La rougeur du fruit se confondait avec la pourpre de ses lèvres. Ses narines minces battaient, et toute sa personne avait quelque chose d'insolent, d'ivre et de noyé qui exaspérait Frédéric, et pourtant lui jetait au cœur des désirs fous. Puis elle demanda, d'une voix calme, à qui appartenait ce grand landau avec une livrée marron. « À la comtesse d'Ambreuse, » répliqua Sizi. « Ils sont très riches, n'est-ce pas ?»« Oh, très riches, bien que madame d'Ambreuse, qui est tout simplement une demoiselle Boutron, la fille d'un préfet, ait une fortune médiocre. » Son mari, au contraire, devait recueillir plusieurs héritages. Sizi les énuméra. Fréquentant les d'Ambreuse, il savait leur histoire. Frédéric, pour lui être désagréable, s'entêta à le contredire. Il soutint que madame d'Ambreuse s'appelait De Boutron, certifie sa noblesse. « N'importe, je voudrais bien voir son équipage, » dit la maréchale en se renversant sur le fauteuil. Et la manche de sa robe, glissant un peu, découvrit à son poignet gauche un bracelet orné de trois opales. Frédéric l'aperçut. « Tiens, mais... » Ils se considérèrent tous les trois et rougirent. La porte s'entrebâilla discrètement, le bord d'un chapeau parut, puis le profil du sonnet. « Excusez, si je vous dérange, les amoureux !» Mais il s'arrêta, étonné de voir Sizi et de ce que Sizi avait pris sa place.